Chapitre 20e. La voiture noire. La mort de la duchesse de Bussy-Ardin fit quelque bruit dans les salons parisiens. On causa de ce qu'on appelait son étrange amour, de sa passion pour Gaston d'Erfurt, le petit journaliste, et comme toujours, on la calomnia beaucoup. Cette femme, mariée et amante aussi pure que la jeune fille qui consacre sa virginité à Dieu, fut outragée de soupçons jusque dans la pierre. On interrogea le vieux docteur qui avait été son ami. Le vieillard, auquel son âge donnait le droit de tout dire, défendit la mémoire de la duchesse comme eût pu faire un père pour sa fille. Il ferma la bouche aux dévotes et aux mondaines par des mots sanglants. Il fit demander grâce aux jeunes fats et aux impudents dont l'haleine empestée cherchait à ternir ce miroir de pureté. Gaston voulut lui-même ensevelir sa chaste épouse. Il ne permit pas qu'aucune main étrangère approchât de ce corps qu'il avait aimé avant d'adorer l'âme qui l'animait. Après l'avoir revêtu de blanc, il l'enveloppa dans ses longs cheveux qu'il n'avait pas eu le courage de couper, puis il la posa dans la bière. Quelques heures avant qu'on vînt la chercher, avant de fermer pour toujours le premier cercueil, il découvrit le visage de la femme aimée pour lui donner un dernier baiser. Le front blanc d'Adrienne avait déjà des teintes violacées qui annonçaient la décomposition. Il la contempla longtemps, posa ses lèvres sur la bouche, et ce fut tout. Il ferma. L'hôtel fut tendu en noir. Sur la grille se détachait l'écusson des Bussy-Ardin avec la devise « J'y suis ». Cette même devise fut placée sur le cercueil. Enfin, la voiture noire arriva. L'affluence était considérable. À l'encontre de tous les conseils, Gaston prit place dans la première voiture avec le vieux médecin. Il était fort pâle. Du reste, il paraissait calme. Tout le temps du trajet, il s'entretint d'Adrienne. Il tenait en main un petit mouchoir encore tout parfumé. C'était celui qu'il avait pris au bal de la baronne de Neuburg. À peu de distance du cimetière, un équipage dérangea un instant l'ordre du convoi. Les chevaux, vivement aiguillonnés, rasèrent la voiture noire malgré l'indignation de la foule et choquèrent la première voiture de deuil. Gaston, absorbé, ne vit rien. Mais le docteur qui s'était avancé reconnut une femme dans la luxueuse voiture, c'était la baronne. Adrienne fut enterrée à l'endroit qu'elle avait souhaité. Le soleil vient souvent réchauffer sa tombe. De retour à l'hôtel, Gaston dit au docteur « Elle m'a demandé de donner son nom à ma fille si jamais. Je vais écrire l'histoire d'Adrienne, ce sera ma fille. » Le jour même de l'enterrement, un homme se présenta pour serrer la main à son ami. Gaston n'avait voulu voir personne. Le visiteur laissa sa carte. D'Erfurt la mit devant les yeux du docteur. Celui-ci lut de Narsac. Gaston d'Erfurt a vendu l'hôtel de la rue de l'Oratoire que la duchesse lui avait légué ainsi que tous ses biens. La littérature n'est plus rien pour lui. Il vit seul, cause d'Adrienne avec Jenny et le docteur, les deux seuls êtres qu'il ait véritablement aimés. Au printemps, ils sont à Nice. Gaston a 27 ans, il est déjà gris. Ainsi s'achève Les amours de la duchesse de Charles Diguet.